jamais cicatrice. Le temps se brise sous mes doigts. Je suis la voix que rien n'efface. Les coques te suivra. Dans les ombres, le chant que tu ne peux nier. Chaque vue retient mes noms. Chaque souffle vient s'y graver. Je suis la fin et la mémoire. Le feu qui ronge le matin. Le gardien des histoires. Le chant qui brûle ton destin. I am the shadow in your bed. Des chaînes dans tes faiblesses, je transforme le vide en flambeau. Je suis l'épine dans tes songes, le parfum qui refuse de fuir. Une prière, une ombre, un songe, toujours là pour t'envahir. I am the shadow in your vision.